Première partie, chapitre 12e de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Première partie, chapitre 12e, méditation des péchés. Préparation. Premièrement, mettez-vous en la présence de Dieu. Deuxièmement, priez-le qu'il vous inspire. Considération. Premièrement, retracez en vous-même l'idée du temps que vous avez commencé de pécher. Faites réflexion combien vous avez augmenté et multiplié vos péchés de jour en jour, soit contre Dieu, soit contre vous, soit contre le prochain, par vos œuvres, par vos paroles, par vos pensées et par vos désirs. Deuxièmement, considérez vos mauvaises inclinations et tout l'emportement que vous avez eu à les suivre. Ces deux vues vous feront juger que le nombre de vos péchés passe de beaucoup celui de vos cheveux et même du sable de la mer. Troisièmement, faites principalement attention à votre ingratitude envers Dieu. Car c'est un péché universel qui se répand sur les autres et en augmente infiniment l'énormité. Comptez, si vous le pouvez, tous les bienfaits de Dieu que la malice de votre cœur a tourné contre lui pour le déshonorer, toutes les inspirations méprisées, tous les bons mouvements de la grâce rendus inutiles, et tous les différents abus des sacrements. Où sont, du moins, les fruits que Dieu en attendait? Que sont devenues toutes ces richesses dont votre divin époux avait orné votre âme? Tout cela a été dépravé et profané par vos iniquités. Pensez que votre ingratitude a été jusqu'à ce point-là. Que Dieu vous ayant toujours suivi, pas à pas, pour vous sauver, vous avez toujours fui devant lui pour vous perdre. Affection et résolution. Premièrement, que votre misère vous serve ici à vous confondre. Ô mon Dieu, comment est-ce que j'ose me présenter à vous? Hélas, je me trouve dans un état déplorable de corruption, de pourriture, d'ingratitude et d'iniquité. Est-il possible que j'ai porté ma folie et mon ingratitude jusque-là? Qu'il n'y ait pas un de mes sens que mes iniquités n'aient dépravé, une puissance de mon âme que mes péchés n'aient profané et corrompu, et qu'il ne soit pas écoulé un seul jour de ma vie qui n'ait produit de si mauvais effets. Est-ce là le fruit des bienfaits de mon Créateur et le prix du sang de mon Rédempteur? Deuxièmement, demandez pardon de vos péchés et vous jetez aux pieds du Seigneur comme l'enfant prodigue aux pieds de son Père, comme Sainte Madeleine aux pieds de son aimable Sauveur, comme la femme adultère aux pieds de Jésus, son juge. Ô Seigneur, miséricorde sur cette âme pécheresse. Ô divin cœur de Jésus, source de compassion et de débonnaireté, ayez pitié de cette misérable. Troisièmement, proposez-vous de mieux vivre. Mon Seigneur, je ne m'abandonnerai jamais au péché, non jamais, avec le secours de votre grâce. Hélas, je ne l'ai que trop aimé, mais je le déteste de toute mon âme. Et je vous embrasse, ô Père de miséricorde, je veux vivre et mourir en vous. Je m'accuserai donc au prêtre de Jésus-Christ avec humilité et d'un bon cœur de tous mes péchés, sans aucune sorte de réserve ni de dissimulation. Je ferai tout ce que je pourrai pour les détruire en moi jusqu'à la racine, particulièrement telle et telle qui me pèse le plus sur le cœur. À cet effet, je prendrai généreusement tous les moyens que l'on me conseillera, et je ne croirai jamais avoir assez fait pour réparer de si grandes fautes. Conclusion. Premièrement, remerciez Dieu qui a attendu votre conversion jusqu'à cette heure et qui vous a donné ses bonnes dispositions. Deuxièmement, offrez-lui la volonté que vous avez de vous en bien servir. Troisièmement, priez-le qu'il vous en donne la grâce et la force, etc. Pater, Ave. Fin du chapitre 12e. Première partie.